بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 59 dans l'explication du livre de l'imam الصابوني رحمه الله تعالى dans son livre عقيدة السلف وأصحاب الحديث avec le شرح de Cheikh Rabi al-Madkhali حفظه الله تعالى. On est dans le chapitre مشيئة الله, c'est-à-dire on parle à propos de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et au dernier cours, on expliquait comment certains groupes ont dévié au sujet du Qadar, hein, et que parmi eux, il y en a différentes sectes qui ont dévié parmi les Qadariyah. Et on a mentionné au dernier cours Al-Qadariyatul Mushrikiyah, hein, c'est-à-dire les Mushrikin, qui avant l'islam, ils utilisaient par exemple le fait que ils avaient fait le shirk et que, hein, ils prétendent que si Allah Azza wa Jal n'aurait pas voulu, il n'aurait pas fait le shirk. Wala usha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay. Kadhalika kadhaba alladhina min qablihim hatta dhaqu ba'sana. Donc eux, les mouchriquins, ils ont dit, si Allah aurait voulu, on n'aurait pas fait le shirk, ni nos parents, ni nos ancêtres. Et on n'aurait rien interdit de ce qui est halal. Hein? Et Allah Azza wa Jal, il dit, c'est ainsi que ceux qui étaient avant eux ont menti. Et c'est clair que ça, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il a envoyé les messagers, il a envoyé les livres pour interdire le shirk. Et il a mentionné que ceux qui meurent sur le shirk et qui font du shirk, ils sont dans l'enfer, leurs œuvres sont vaines. Hein? Ils ne rentreront pas au paradis. Donc, quelle excuse ces gens-là peuvent prétendre comme ça? Et il y a beaucoup d'autres versets dans ce sens-là également. Donc, c'est clair que ces gens-là, c'est des menteurs. On a mentionné aussi Al-Qadariyatu. Al-Qadariyatu. Al-Nufat, Al-Nufat, c'est les Mu'tazila, on a expliqué les Mu'tazila et les Qadariya, donc c'est ceux qui nient le Qadar carrément. Hein. On a parlé de ceux-là. Maintenant, on va parler d'un autre groupe parmi les Qadariya, c'est Al-Qadariyatu Al-Iblisiya. Donc les Qadariya qui ont suivi l'exemple d'Iblis, Shaytan. Hein? Donc le cheikh il dit ici ومنهم القدرية الإبليسية وهم أتباع إبليس فإن إبليس أول من احتج بالقدر على الله تبارك وتعالى وقال قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين فاحتج بالقدر على الله تبارك وتعالى ولم يحترف بذنبه آدم وحواء اعترفا بذنبهما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما إبليس أبى أن يعترف وقال أنت الذي أغويتني فجعل الحجة له على الله عز وجل قبحه الله فهناك كثير من الناس على هذا المذهب من الكفار وغيرهم والعياذ بالله وهذا أخبث المذاهب إما على هذا المذهب وهذا أخبث المذاهب وإمام هذا المذهب إبليس فإنهم يخاصمون الله بهذا المذهب ولا يعترفون بالذنب ولا يعترفون أنهم عصوا الله عز وجل ولا أنهم أشركوا به وكفروا به ويقولون هذا ليس ذنبنا هذا ليس ذنبنا أنت الذي فعلت هذا قبحهم الله. Donc ici, le cheikh, il explique que la Qadariya al-Iblisiya, c'est quoi? C'est les gens qui ont suivi Iblis, le shaitan. Et il dit parce que Iblis, c'est le premier qui a utilisé comme argument le qadar contre Allah Azza wa Jal, qui a essayé d'utiliser l'argument de la prédestination contre Allah pour se justifier, pour justifier son péché. Et il donne comme exemple le verset 39 dans Sourate Al-Hijr. Et dans ce verset, Iblis, Allah Azza wa Jal, il l'a cité, en train de dire, hein, il a dit, mon Seigneur. Donc il dit, Iblis, il dit, mon Seigneur. Donc il reconnaît que Allah Azza wa Jal, c'est son Seigneur, de toute façon. Parce qu'il sait qu'il est une créature d'Allah. Hein. Il dit, mon Seigneur, parce que tu m'as égaré, parce que tu m'as dévié, tu m'as induit en erreur, je vais leur enjoliver la vie sur terre. Et je vais tous les faire dévier. Hein? Et donc, dans ce verset, il utilise l'argument du qadar. Hein? Et il refuse de reconnaître son tort et son péché. C'est comme s'il dit, « Oh Allah, parce que tu m'as fait tomber dans le péché, parce que tu m'as fait dévier, hein, je vais me venger sur les hommes et je vais les faire périr tous. Hein? » Et donc, il ne reconnaît pas son péché, il ne reconnaît pas sa faute. Tandis que Adam et Hawa, lorsqu'ils ont désobéi à Allah et qu'ils ont mangé de l'arbre défendu, ils n'ont pas refusé de reconnaître leur tort et leur faute. Au contraire, ils ont dit, « Oh notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort à notre propre âme. Hein? Nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et que tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes du nombre des perdants. Hein? » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se repentent à Allah, ils demandent pardon à Allah Azza wa Jal et ils reconnaissent leur injustice, hein, qu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Et Iblis, lui, au lieu de reconnaître, il dit, c'est toi qui m'as fait dévier. C'est toi qui m'as fait faire une erreur. C'est toi qui m'as fait faire ça. Donc, il essaie d'utiliser le qadar comme un argument contre Allah Azza wa Jal. Non. 39 dans Surat Al-Hijr. Non. Alors que il aurait pu, hein, vous pensez que s'il avait demandé à Allah pardon, est-ce que Allah l'aurait pas pardonné? Allah l'aurait pardonné. Il aurait pu dire, Ya Allah, Ya Rabbi, je m'excuse, hein, je te demande pardon. J'ai refusé de me prosterner devant Adam, et ça c'est une erreur parce que je dois t'obéir lorsque tu m'ordonnes. Donc, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, et je suis repentant. Hein? Mais il a refusé de dire ça. Au lieu de ça, il a accusé que c'est la faute, que c'est la faute d'Allah, que c'est Allah qui l'a fait dévier. Et le cheikh, il dit, il y a beaucoup de gens qui sont sur cette voie-là. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes, et même parmi les musulmans, il y en a qui sont sur cette même voie-là. Si tu les vois, par exemple, quand ils font pas la salat, ou quand ils font des péchés, ils disent, mais ça, c'est parce que Allah, il m'a pas guidé. Il accuse Allah, Azza wa Jal, de son égarement. Au lieu de reconnaître son tort et d'admettre que c'est lui qui a désobéi et de se repentir, il dit, Yanni, j'ai déjà entendu des gens comme ça. Quand tu lui demandes pourquoi tu ne fais pas la salat, il te dit, Allah, il ne m'a pas guidé. Il accuse Allah, hein, que c'est Allah qui ne l'a pas guidé. Alors qu'en réalité, Allah Azza wa Jal, il a envoyé le Coran pour lui. Il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui. Il a envoyé le Coran et les ulama et les du'at et les gens qui prêchent l'islam et qui rappellent l'obligation. Il a envoyé plein de preuves, hein, qui établissent l'obligation de faire cette adoration-là. Donc Allah Azza wa Jal a tout fait pour que cette personne-là soit guidée et que le message lui parvienne. Et lui, après ça, il au lieu de dire, oui, je reconnais mon tort et qu'Allah me pardonne, je vais commencer à faire la salat. Je me repens à Allah. Au lieu de ça, il dit, mais Allah, il m'a pas guidé. Ou bien il y en a qui disent, quand Allah va me guider, je vais le faire. Ou quand Allah va vouloir, hein, je vais le faire. Et qui t'a dit que Allah veut pas? Comme si Allah, il veut pas maintenant, puis quand il va vouloir, tu vas le faire? Parce que lui, il se base sur l'iradatu al-kawniya pour justifier sa désobéissance, alors qu'on sait par iradatu al-shar'iyya que Allah il veut que tu pries. Hein? Donc ça c'est des gens, comme on dit, le cheikh il dit ça, c'est voilà, iyadu billah. Hein, ces gens-là, ils sont sur le madhab de Iblis. Il dit, il y en a des gens parmi les kuffars qui sont sur cette voie-là aussi. Hein, voilà, iyadu billah. Et il dit, c'est le pire et le plus mauvais des voies, la plus mauvaise des voies, et c'est la voie de Iblis. Et il dit, ils essaient d'argumenter contre Allah Azzawajal et de se disputer avec Allah Azzawajal en utilisant le qadar comme argument, et ils refusent de reconnaître leur péché, et ils refusent de reconnaître qu'ils ont désobéi à Allah. Même, ils refusent même de dire qu'ils ont désobéi à Allah. Ils utilisent l'argument. Comme si, mais, comme par exemple, si on leur demande pourquoi vous obéissez pas à Allah, pourquoi vous faites pas le bien, pourquoi vous pratiquez pas la religion, eh bien, ils disent, ah, mais, comme tu dis, hein, si Allah aurait voulu, il nous aurait fait croyants aussi et ça. Ça, c'est grave, yani. Et le cheikh, il dit, ils ne reconnaissent pas qu'ils ont fait le péché, ils reconnaissent pas qu'ils ont désobéi à Allah, ils ne reconnaissent pas qu'ils ont fait le shirk, ils ne reconnaissent pas qu'ils ont fait le kufr. Et il dit, ça, c'est pas notre péché à nous. C'est Allah qui nous a fait faire ça. Hein? Donc le cheikh il dit ensuite وَقَالَ وَمِمَّا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا وَيُدْعَى خُصُومُ اللَّهُ يَوْمَ مَعَادِهِمْ إِلَى النَّارِ طُرًّا مَعْشَرَ الْقَدَرِيَّةِ سَوَاءَ نَفَوْهُ أَوْ سَعَوْا لِيُخَاصِمُوا بِهِ اللَّهِ أَوْ مَارُوا بِهِ لِلشَّرِيعَةِ. يعني سواء نفوا أو عرضوا به الشرع أو خاصموا به الله تبارك وتعالى يريد الفرق الثلاث التي ذكرناها القدرية النفاة والقدرية المشركية والقدرية الإبليسية هذه الثلاث. Et il dit, yani, thalath, allati dhakarnaha, yani, sawa'a nafawhu, ou aradu bihi shara, ou khasamu bihi Allah. Fa, alladhina nafawhumun nufat, walladhina aradu bihi shara, humul, yani, al-mushrikiyya, wa alladhina khasamu bihi Allah, yani, humul iblisiyya. فهمتم؟ الشيخ يقول سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. فقوله سواء نفوه يعني القدرية النفاة، وقوله أو سعوا ليخاصموا به الله يعني القدرية المشركية، والذين قالوا الله يحب منا هذا الفعل ولو شاء ما أشركنا أو ما روا به للشريعة، يعني إبليس ومن تابعه. وهذا مراد الشيخ بقوله سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ما روا به للشريعة. فهذا مذاهب الناس حول الإيمان بالقدر والكفر به والضلال والتضليل به. Donc ici le cheikh il explique que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit dans un poème qu'il a écrit en réponse au Qadariyya, justement parce qu'il a un poème qu'il a écrit pour réfuter les gens qui ont dévié dans le Qadar. Parce qu'il y a un, je pense que c'était, il y avait un cheikh à une époque qui lui a, justement à l'époque de Ibn Taymiyyah, il y a un cheikh qui lui a envoyé une question sur la question du qadar. Et la question, il lui a envoyé en poésie, c'est-à-dire en vers. Il pose la question à Ibn Taymiyyah sous forme de poésie. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il lui répond sous forme de poésie aussi. Et ce poème-là, il est publié, il existe. Si vous le cherchez dans les, même sur Internet, vous le cherchez, vous allez le trouver. Le poème de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah sur le Qadar, hein, pour la réfutation des Qadariyas. Et dans ce poème, il dit, yani, que les Qadariyas, peu importe qu'ils fassent partie de ceux qui ont nié le Qadar, hein, ou bien qu'ils se sont opposés à la charia en utilisant l'argument du Qadar, ou qu'ils ont essayé de disputer, hein, contre Allah Azza wa Jal par le Qadar. Donc, Cheikh Rabi' Hafizahullah, il explique que ces trois exemples-là, eh bien, ça correspond aux trois groupes de Qadariya qu'on a mentionnés. Les Qadariya qui sont les négateurs, les Qadariya qui sont les Qadariya al-Mushrikiya, hein, comme les Mushrikines qui utilisent l'argument du Qadar pour justifier leurs actions de shirk et de kufr ou leurs péchés. Et l'autre catégorie, c'est al-Qadariyatu al-Iblisiyya, ceux qui ont suivi Iblis, hein, qui disputent, hein, contre Allah Azza wa Jal. Yani, qui disputent contre Allah Azza wa Jal par le Qadar. Donc ça, c'est les trois exemples qu'on a cités. Après, le cheikh, il dit فَهَذِهِ مَذَاهِبُ النَّاسِ حَوْلَ الْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ وَالْكُفْرِ بِهِ وَالضَّلَالِ وَالتَّضْلِيلِ بِهِ وَسَاقَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى قُلْ لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ لِلَّهِ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ وَالْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَهُوَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ بِحِكْمَةٍ وبعلم بحكمة وعلم لا لمجرد المشيئة فيضع الأشياء مواضعها وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى يعلم سبحانه وتعالى من يستحق الهداية ومن هو أهل لها فيهديه ويعلم من لا يستحق ذلك فلا يعطيه لأن الهداية فضل منه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فهذا الخسيس الدني لا يستحق هذه الكرامة من الله تبارك وتعالى لأن الله تبارك وتعالى العلي الكبير الملك العظيم يعطي بفضله سبحانه وتعالى من يشاء ويمنع من يشاء وليس منعه لهدايتهم ظلم منه ليس منعه لهدايتهم ظلم منه لهم أبدا وإنما وكلهم إلى أنفسهم لأنهم لا يستحقون هذا الفضل وهذا الخير فله الحجة البالغة فلا يحتج أحد على الله تبارك وتعالى ولا يقول لماذا لم يهدني لأن هذا حق الله فإن أعطاك فذلك فضل منه وإن لم يعطك يعني فعدل منه سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique ensuite que Allah Azza wa Jal c'est ça, il a mentionné donc ces groupes, ces trois positions là qu'on a mentionné, puis après il dit que l'auteur rahimahullah il a cité un autre verset ensuite. C'est le verset 149 dans Sourate Al-An'am. Et ce verset-là, dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il dit قُلْ لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, yani, c'est à dit au Muhammad, c'est à Allah qu'appartient l'argument le plus tranchant, hein, l'argument définitif. S'il aurait voulu, il vous aurait tous guidés. Si Allah Azza wa Jal, il voulait, il vous aurait tous guidés. Donc, Allah Azza wa Jal, hein, il a la sagesse, hein, la sagesse absolue, et il a la preuve absolue, hein, et complète. Et il dit, il fait ce qu'il veut, par sa sagesse, et par sa science, et non pas seulement par sa volonté. Donc ça, c'est une chose très importante. Parce que quand on dit que Allah Azza wa Jal, il guide qui il veut, il égare qui il veut, et il fait ce qu'il veut, il faut jamais oublier que sa volonté est reliée à sa sagesse et à sa science. Donc, toute chose qu'il veut, il le veut selon sa sagesse et selon sa science aussi. Hein? Parce que les attributs d'Allah sont toutes sont reliés ensemble. Sont pas indépendantes les unes des autres. Hein? Parce qu'elles font toutes partie d'Allah Azza wa Jal. Et donc, il y a un lien entre ses noms et entre ses attributs. Et quand il dit qu'il veut quelque chose, il veut avec sa science, avec sa sagesse, avec sa justice, hein, et ainsi de suite. Et il dit, par exemple, que Allah Azza wa Jal, par sa sagesse, justement, il met chaque chose là où elle va. C'est-à-dire, il met les choses là où elles vont. Hein? Et il est donc le sage et l'omniscient, celui qui sait tout. Et il sait qui mérite la guidance et qui fait partie des gens qui méritent d'être guidés. Alors, il les guide. Et il sait également ceux qui ne méritent pas d'être guidés. Alors, il ne leur donne pas la guidance. Il dit parce que la guidance, c'est une faveur que Allah fait et une grâce qu'il donne. Et c'est pour ça qu'il dit dans le Coran, ceci est une grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Et il dit, tandis que celui qui est minable et qui est bas, hein, il ne mérite pas cet honneur et il ne mérite pas cet honneur de la part d'Allah Azza wa Jal d'être guidé et d'avoir la foi et d'être sur le succès. Alors, par conséquent, Allah Azza wa Jal ne lui donne pas la guidance parce qu'il ne la mérite pas. Et il n'aura aucun argument contre Allah Azza wa Jal au jour de la résurrection. Soyez certains de ça. Allah Azza wa Jal, la yadlimu mithqala dharra. Allah ne fait même pas le poids d'un atome d'injustice. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ça veut dire que il ne va pas laisser quelqu'un dans l'égarement, excepté que cette personne, elle mérite l'égarement. Et cette personne n'aura aucun argument contre Allah Azza wa Jal au jour de la résurrection. Et il dit, parce que Allah Azza wa Jal, le très haut, le très grand, le roi immense, il donne par sa grâce à qui il veut et il retient de qui il veut. Hein? Il retient pour qui il veut. Et il dit, le fait qu'il retienne la guidance ou qu'il s'abstienne de guider quelqu'un, ce n'est pas une injustice de sa part pour lui. Hein? Il l'a uniquement laissée à elle-même parce qu'elle ne mérite pas cette grâce et ce bien. Et Allah Azza wa Jal a l'argument tranchant vis-à-vis de cette personne. Et donc, personne ne pourra argumenter contre Allah Azza wa Jal au jour de la résurrection. Et personne ne pourra dire, pourquoi Allah ne m'a-t-il pas guidé? Parce que c'est le droit d'Allah et il le donne à qui il veut et c'est sa grâce. Hein? C'est une grâce de sa part. Et s'il ne la donne pas à quelqu'un, eh bien c'est par justice de sa part. Subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit ensuite, wa dhakara al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa laqad dhara'na li jahannama. Dhakara al-musannif qawla Allah ta'ala, wa laqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinn wal-ins. Allah subhanahu wa ta'ala kataba maqadir kulli shay, وعلمها وهذه مراتب القدر وسنذكرها إن شاء الله عز وجل عند شرح هذه الفصول. ثم ذكر قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الأنبياء سورة الأنبياء، ولأنه رب هذا الكون ومالكه وخالقه سبحانه وتعالى، وأفعاله كلها مبنية على الحكمة والمصالح سبحانه وتعالى، فلا يسأل عما يفعل. وبعض الناس يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل لمجرد الإرادة فقط، لا، ليس لمجرد الإرادة والمشيئة، بل لحكم وغايات لا يعلمها إلا الله، حكم وغايات تليق بجلاله وعظمته وعلمه المحيط بكل شيء. Donc on va traduire ce passage-là encore. Le cheikh il dit, et Allah Azza wa Jal il mentionne dans le verset 179, dans Surat Al-A'raf, il dit que l'auteur, l'imam As-Sabuni, rahimahullah, il cite la parole d'Allah et nous avons préparé ou bien nous avons voué à l'enfer beaucoup d'entre les djinns et les hommes. Hein? Et Allah Azza wa Jal, il a écrit la destinée de toute chose. Et il l'a connue. Et ça fait partie des degrés du Qadar, dont on va parler plus tard, Inch'Allah. Les quatre degrés du Qadar. Donc, il dit ça va venir dans les sections suivantes. Et il dit, l'auteur, il a également mentionné la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 23, dans Surat Al-Anbiya. La yus'alu, il n'est pas questionné à propos de ce qu'il fait, alors que ce sont eux qui sont questionnés, les êtres humains. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, lui, il n'est pas questionné. On n'a pas à le questionner de ce qu'il fait. Mais eux, les créatures, oui, eux, ils sont questionnés. Et il dit pourquoi? Parce que c'est lui le Seigneur de cet univers, de cette création. Et c'est sa propriété. Et c'est sa création, c'est lui qui l'a créé. Et donc, toutes ses actions sont basées sur la sagesse et sur le bien et l'intérêt. Hein? Le bienfait. Et qu'est-ce qui est dans l'intérêt des créatures? Et il dit qu'on n'a pas donc à lui demander à propos de ce qu'il fait. Et il y a des gens qui disent... Quand Allah Azza wa Jal dit il n'est pas questionné de ce qu'il fait, alors que eux sont questionnés, ils disent parce que c'est seulement basé sur sa volonté seulement. Hein? Et le cheikh il dit non, c'est pas seulement selon sa volonté. C'est aussi à cause des sagesses et des objectifs et des buts que seul Allah connaît, hein, qu'on n'a pas à le questionner parce que il a des objectifs et des buts qui correspondent et qui conviennent à sa majesté et à sa grandeur et à sa science qui enveloppe toute chose. Ensuite, il dit le cheikh wa qawluhu ala lahul khalq wal amru ay wa huwa alladhi khalaqa hadha al kawn wa huwa alladhi yushri' wa li hadha ihtajja al a'imma bi hadhihi al ayati ala al mu'tazilati القائلين بحق الخلق بخلق القرآن نعم القائلين بخلق القرآن ووجه استدلالهم أن الله فرق بين الخلق والأمر فالأمر كلامه وتشريعه والخلق خلقه وإيجاده لهذه المخلوقات ونفوا أن يكون القرآن مخلوقا ومن أدلتهم هذه الآية والمعتزلة يدخلون القرآن في الخلق وهذا ضلال القرآن كلامه وعلمه خارج عن الخلق بل هو من الأمر والأمر كلامه وتشريعه سبحانه وتعالى. Donc ici le cheikh il explique aussi le verset 54 dans Sourate Al-A'raf dans lequel Allah Azza wa Jal il dit ce qui signifie n'est-ce pas à lui qu'appartient la création et l'ordre ou le commandement. Et il dit que certes, c'est à lui qu'appartient la création. Tout ce qui a été créé, c'est à lui que ça appartient. Et c'est lui qui légifère. Hein? Et les imams de Ahl Sunna ont utilisé même ce verset comme argument contre les Mu'tazila qui prétendaient que le Coran est créé, ou que le Coran est une création. Et eux, c'est quoi leur argument, les Mu'tazila? Pourquoi les imams, ils ont utilisé ce verset-là contre eux? C'est parce que eux, ils disent, tout ce qui existe est créé. Hein? Tout ce qui existe est créé. Donc, ça veut dire que c'est Allah qui l'a créé. Donc, ça veut dire que le Coran, il est créé aussi. Et les ulama ont dit, Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Coran, c'est à lui qu'appartient la création et le commandement. Donc, la création, ça lui appartient dans le sens que c'est lui qui l'a créé. Tandis que le commandement, ça lui appartient dans le sens que ça fait partie de ses attributs. Donc, c'est pas pareil. Hein? C'est pas le commandement, il n'est pas créé. C'est l'ordre d'Allah. Hein? Donc, sa parole, ça fait partie de ses attributs. Et c'est pas créé. Donc, le Coran fait partie de sa parole. Donc, il n'est pas créé aussi. Et c'est sa législation et son ordre. Et ça, c'est pas créé. Donc, ils ont utilisé ce verset-là pour réfuter les Mu'tazila qui prétendait que le Coran est créé. Et le cheikh, il dit, ensuite il explique que, il dit, ومن الأدلة كذلك قول الله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ولا يضل الله إلا من يستحق الضلال ويكون هو السبب في الضلال وفي الغواية فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين ليس لأحد أن يحتج على الله أبدا. Donc ici le cheikh il explique que Allah Azza wa Jalla il mentionne aussi dans le verset 30 dans sourate Al-A'raf. Il dit, parmi les preuves également, le fait que Allah Azza wa Jal a dit dans le verset 30 dans Sourate Al-A'raf, un groupe il a guidé et un groupe, eh bien, l'égarement s'est avéré vrai contre eux. Ils ont pris les diables comme alliés en dehors d'Allah et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Et il dit, le cheikh, que Allah Azza wa Jal, il n'égare que celui qui mérite d'être égaré. Et en même temps, c'est celui qui est égaré, eh bien, il est la cause de son égarement et de sa déviation. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il l'égare parce qu'il a fait les causes pour être égaré. Comme Allah il dit dans le verset 5, dans Surat As-Saff, فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Donc, quand ils ont dévié, c'est-à-dire ils ont eux-mêmes dévié dans leur cœur à cause de ça. Hein, quand ils ont dévié, ils ont cherché la déviation, Allah a dévié leur cœur. Donc la cause, qu'est-ce qui a été la cause que Allah fasse dévier leur cœur? C'est parce que ils ont dévié eux-mêmes, ils ont penché vers la déviation, ils ont aimé la déviation. À cause de ça, Allah les a fait dévier. Et Allah ne guide pas les peuples pervers. Hein? Donc, s'ils sont pervers, c'est sûr que Allah Azza wa Jal ne les guide pas parce qu'ils cherchent la perversité, ils cherchent le fisq. Hein? Et Allah Azza wa Jal, il guide qui? Il guide les croyants, il guide les gens qui aiment le bien, il guide les gens qui cherchent la vérité. Hein? C'est ceux-là que Allah guide. Et Allah Azza wa Jal, il dit, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ. Celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Hein? Il y a plein d'autres versets comme ça. Allah il dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et ceux qui luttent dans nos voies, hein, on va les guider sur nos champs. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Ceux qui ont lutté, il y en a vers nous, dans notre agrément, dans qu'est-ce qui amène notre agrément, on va les guider vers nos chemins. Donc ça veut dire que celui qui fait les causes pour être guidé, il emprunte le chemin du bien, Allah va lui faciliter la foi. celui qui fait le mal ou qui aime le mal et qui emprunte le chemin du mal, eh bien Allah Azza wa Jal, il l'égare. C'est comme dans le verset فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Donc si tu donnes et tu crains Allah, Allah il te facilite le bien, hein, il te facilite le paradis. Et si celui qui par exemple il traite de mensonge la vérité, il se croit suffisant à lui-même, il n'a pas besoin d'Allah, eh bien Allah Azza wa Jalla lui facilite l'enfer et le mal, hein. Donc ça veut dire que quand quelqu'un est égaré, il fait des causes pour être égaré. Et quand il est guidé, il cherche les causes pour être guidé, hein. Et donc ça c'est parce que Allah Azza wa Jalla, il fait les choses selon sa sagesse, hein, selon sa sagesse, pas seulement par sa volonté sans sa sagesse. Sa volonté et sa sagesse sont ensemble. Hein? Ça, c'est important de le comprendre. Et il dit ensuite, je pense qu'on va s'arrêter ici, ouais, il est 8h et... Ah non, il reste encore, désolé. Je pensais que c'était à 8h30. Ok. « Thumma saqa al-musannif rahimahullah hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. وهذا من أدلة أهل السنة أن الله تبارك وتعالى جعل الناس فريقين قسم سعيد إلى الجنة وإلى مرضات الله تبارك وتعالى وقسم شقي إلى النار والعياذ بالله وذكرناها وذكر نهايتهم فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ولهذا قال السلف يخافون من سوء الخاتمة ويخافون من النفاق فلا تغفلوا يا إخوة اجعلوا هذا العامل دائما موجودا في نفوسكم, يعني الخوف من سوء الخاتمة والعياذ بالله, فتجد وتشمر عن ساعد الجد في العمل متقيا هذه النهاية السيئة التي قد يقع فيها الإنسان. وكان الصحابة يخافون على أنفسهم النفاق وكانوا يخافون على أنفسهم سوء الخاتمة ويبكي أحدهم ويسهر من أجل هذه القضية التي تقلق الذي يراقب الله ويخافه. فإياكم والغفلة وعليكم باليقظة والانتباه فإن هذا مصير خطير والعياذ بالله. فليخلص المرء عمله لله لأنه قد يكون من أسباب سوء الخاتمة انطواؤه على شر فيعمل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة وهو في الباطن ينطوي على شر والعياذ بالله وسوء اعتقاد أو سوء نية أو عمل خبيث يخفيه عن الناس ويظهر للناس ما لا يخفيه ويخفي عن الناس ما لا يرونه فهذا من الأسباب التي قد تؤدي إلى سوء الخاتمة فالحذر الحذر من الأسباب المؤدية إلى سوء الخاتمة فلا بد للإنسان أن يخاف ولكن لا يصل إلى درجة اليأس من روح الله بل يرجو من الله سبحانه وتعالى مع ذلك أن يحسن له الخاتمة ويطلب ذلك منه ويلح عليه في دعائه ويسأل الله أن يجنبه هذا المصير المظلم الذي هو سوء الخاتمة والعياذ بالله. أي نعم. Donc on va traduire tout ça. Et le cheikh, il a cité le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté que la création de chacun d'entre nous, elle est rassemblée dans le ventre de sa mère pendant 40 jours sous la forme d'une nutfa. Hein? Et ensuite, elle devient une adhérence pendant 40 jours également. Puis ensuite, elle devient comme quelque chose qui est mâché, hein, qui a l'apparence de quelque chose qui est mâché pendant 40 jours également. Donc en tout, ça fait 120 jours. Et à ce moment-là, Allah envoie l'ange avec l'ordre d'écrire 4 paroles. Il écrit sa subsistance, son action, son terme, et est-ce qu'il sera heureux ou malheureux. Et ce hadith-là fait partie des preuves des gens de la sunna pour établir que les hommes sont divisés en 2 catégories. Une catégorie des hommes qui sera heureux dans le paradis, dans l'agrément d'Allah, et une autre catégorie qui sera dans l'enfer, malheureux. Wal'iyadu billah. Et nous avons, et il nous a mentionné par la suite la conclusion ou la fin de ces deux catégories-là. Et il a dit, par celui qui tient mon âme en sa main, l'un d'entre vous va agir en faisant les actions des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il ne reste plus entre lui et le paradis que une courte distance, et puis il va être rattrapé par ce qui a été écrit pour lui. Et il va faire les actions des gens de l'enfer, et il va finir par entrer en enfer, finalement. Et l'un d'entre vous va faire les actions des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une petite distance entre lui et l'enfer. Et ce qui a été écrit pour lui dans le livre va le devancer, et il va faire les actions des gens du paradis avant sa mort, puis il va finir par faire partie des gens du paradis. Et c'est ainsi que les salafs avaient peur de terminer leur vie avec une mauvaise fin, et ils craignaient pour eux-mêmes l'hypocrisie. Alors il dit le cheikh, ô mes frères, ne soyez pas insouciants, et ramenez toujours en vous-même cet élément-là pour vous vous pousser à agir dans le bien, et c'est-à-dire la crainte de finir mal. La crainte d'avoir une mauvaise fin. Et donc, tu dois faire l'effort pour être sérieux et de faire des œuvres avec la crainte d'Allah, et de te préserver d'Allah Azza wa Jal, et de te préserver de cette mauvaise fin. Il dit, les sahaba, ils avaient beaucoup peur de ça pour eux-mêmes. Ils craignaient l'hypocrisie, et ils craignaient d'avoir une mauvaise fin, et ils pleuraient. Hein? Parfois même ils restaient réveillés la nuit pour pleurer, pour penser à cette affaire-là. Et c'est clair que la personne qui se rappelle que Allah Azza wa Jal la surveille et qui craint Allah Azza wa Jal, eh bien elle va être anxieuse vis-à-vis de ce genre de questions. Et donc prenez garde d'être dans l'insouciance et restez toujours éveillé, et essayer de toujours avoir de porter attention à ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est très très dangereux. Wal'iyadu billah. Et essayer d'être sincère dans vos actions. Le musulman, il doit chercher toujours à être sincère dans ses actions pour Allah Azza wa Jal. Parce que c'est possible qu'une des causes qui va faire que tu aies une mauvaise fin et que tu termines mal ta vie, c'est à cause de quelque chose que tu fais de mal et que tu caches. Hein? Dans le sens que devant les gens, tu fais les actions des gens du paradis. Mais à l'intérieur de toi-même, il y a un mal que tu caches. Une mauvaise croyance ou une mauvaise intention ou bien une action qui est mauvaise et que tu caches des gens et tu laisses voir aux gens yani ce que yani il dit yadhharu linnas ma la yukhfi, c'est-à-dire tu montres aux gens tu laisses voir aux gens ce que tu ne caches pas et tu caches aux gens ce qu'ils ne voient pas. Donc il dit ça peut faire partie des causes pour que quelqu'un ait une mauvaise fin. Donc il dit il faut faire attention à ça. Yani, ça fait partie du nifaq. Oui, et c'est de ça que les salafs ils avaient peur. Et c'est le nifaq al-amali. Hein? Parce que des fois les gens ils pensent au nifaq, al-nifaq al-akbar, al-qalbi, celui de la personne qui renie la foi et qui renie le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui renie le Coran, qui rejette l'islam dans son cœur, mais qui se fait passer pour un musulman. Donc ça c'est le nifaq majeur, mais le nifaq mineur, il est aussi dangereux. C'est le fait que tu fasses des péchés, hein, et yani tu mens ou tu contredis ta promesse ou ta parole ou tu fais le contraire de ce que tu dis. Et dans ces questions-là, c'est sûr que c'est comme les ulama ont expliqué, le nifaq mineur, le nifaq amali. N'empêche que ça peut faire en sorte que quelqu'un ait une mauvaise fin. Donc il faut faire attention à ça. Parce qu'on veut tous avoir une bonne fin. Mais le cheikh, il dit aussi, c'est sûr que tu dois avoir crainte d'Allah et avoir peur d'Allah dans ces choses-là, mais ça ne doit pas arriver au degré où tu perds l'espoir en la miséricorde d'Allah et que tu vas complètement désespérer. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils entendent ces explications-là, ils ont tellement peur par la suite qu'ils perdent l'espoir d'Allah Azza wa Jal et ils s'imaginent qu'ils n'ont aucune chance d'être sauvés. Et à cause de ça, ils cessent d'espérer en la miséricorde d'Allah et ça, c'est pas correct. Hein? Et le cheikh, il dit donc, malgré ta crainte en Allah, tu dois continuer à espérer que Allah Azza wa Jal te donne la bonne fin et tu dois continuer à demander à Allah Azza wa Jal de te donner la bonne fin et de l'implorer dans tes doigts qu'il te donne la bonne fin. Et tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il t'écarte d'avoir une conclusion ou une destination qui est ténébreuse, hein, ou mauvaise, hein, c'est-à-dire d'avoir une mauvaise fin. Donc on devrait tous demander à Allah de nous protéger contre ça. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la semaine prochaine. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.